Louis mouilla dans l'île de Chypre. Le roi de cette île se joint à lui. On aborda l'Égypte. Le Soudan d'Égypte ne possédait point Jérusalem. Dans ces circonstances, il est difficile de voir pourquoi le roi de France choisissait l'Égypte pour le théâtre de la guerre. Le vieux Melek Salah, malade, demanda la paix. On la refusa. Louis, renforcé par de nouveaux secours arrivés de France, était suivi de 60 000 combattants, obéis, aimés, ayant en tête des ennemis déjà vaincus, un Soudan qui touchait à sa fin. Qui n'eût cru que l'Égypte, et bientôt la Syrie, serait domptée? Cependant, la moitié de cette armée florissante périt de maladie. L'autre moitié est vaincue près de la Massour. Saint-Louis voit tuer son frère Robert d'Artois en 1250. Il est pris, avec ses deux autres frères, le comte d'Anjou et le comte de Poitiers. Ce n'était plus alors Melek Salah qui régnait en Égypte, c'était son fils, Almohadan. Ce nouveau Soudan avait certainement de la grandeur d'âme, car le roi Louis, lui ayant offert pour sa rançon et pour celle des prisonniers un millier de besans d'or, Almohadan lui en remit la cinquième partie.